Chapitre 15e. Arrestation de Ray, la prison de Vincennes. Je faisais état de prêcher l'Avent, au moins les dimanches et les fêtes de l'Avent, dans les plus grandes églises de Paris. Et comme je commençais le jour de la Toussaint à Saint-Germain, paroisse du roi, leur majesté me firent l'honneur d'assister au sermon, et je les allais remercier le lendemain. Comme depuis ce temps-là les avis qu'on me donnait de toutes parts se multiplièrent, je n'allais plus au Louvre, en quoi je fis, à mon opinion, une faute. Car je crois que cette circonstance détermina plus la reine à me faire arrêter que toutes les autres. Je dis seulement que je le crois, parce que pour le bien savoir, il serait nécessaire de savoir au préalable si monsieur le cardinal Mazarin avait ordonné que l'on m'arrêtât, ou si simplement il l'approuva quand il vit que l'on y avait réussi. Je ne le sais pas précisément, les gens de la cour même m'en ayant parlé depuis fort différemment. Lyon m'a toujours assuré le second. Quelqu'un dont je ne me souviens pas m'a assuré qu'il avait ouï le contraire de M. Le Tellier. Ce qui est constant, c'est que sans une circonstance que vous allez voir, je n'eusse pas été au Louvre, que je me fusse tenu sur mes gardes, et que nonobstant les ordres de M. de Pradel, j'eusse apparemment embarrassé le théâtre au moins assez longtemps pour attendre des nouvelles de M. le cardinal Mazarin. Tout le monde me le conseillait, et je me souviens que M. d'Acqueville me dit un soir avec colère, « Vous avez bien gardé votre maison 3 semaines pour Monsieur le Prince. Est-il possible que vous ne la puissiez garder 3 jours pour le roi ?» Voici ce qui m'en empêcha. Madame de Lesdiguières, que j'avais sujet de croire être très bien avertie et qu'il était en effet très bien d'ordinaire, me pressa extrêmement d'aller au Louvre, en me disant que si j'y pouvais aller en sûreté, il fallait que je convainse que ce serait beaucoup le meilleur pour moi, par la raison de la bienséance, etc. Je convins de la proposition, mais je ne convainc pas de la sûreté. N'y a-t-il que cette considération qui vous en empêche ? Reprit-elle. Non, lui répondis-je. Allez-y donc demain, me dit-elle, car nous savons le dessous des cartes. Ce dessous des cartes était qu'il s'était tenu un conseil secret, dans lequel, après de grandes contestations, il avait été résolu qu'on s'accommoderait avec moi, et que l'on me donnerait même satisfaction pour mes amis. Je suis très assuré que Madame de Lesdiguières ne me trompait pas. Je ne le suis pas moins que M. le maréchal de Villeroy ne trompa point Madame de Lesdiguières. Il fut trompé lui-même, et par cette raison je ne lui en ai jamais voulu parler. J'allai ainsi au Louvre le 19 de décembre, et je fus arrêté dans l'antichambre de la reine par M. de Villequier, qui était capitaine des gardes en quartier. Il s'en fallut très peu que M. de Hacqueville ne me sauva. Comme j'entrai dans le Louvre, il se promenait dans la cour. Il me joignit à la descente de mon carrosse, et il vint avec moi chez Madame la maréchale de Villeroy, où j'allais attendre qu'il fût jour chez le roi. Il m'y quitta pour aller en haut, où il trouva mon mège, qui lui dit que tout le monde disait que j'allais être arrêté. Il descendit en diligence pour m'en avertir, et pour me faire sortir par la cour des cuisines, qui répondait justement à l'appartement de Madame de Villeroy. Il ne m'y trouva plus, mais il ne m'y manqua que d'un moment, et ce moment m'eût infailliblement donné la liberté. J'en ai la même obligation à M. de Hacqueville, mais je suis assuré que de l'humeur et de la cordialité dont il est, il n'en eut pas la même joie. M. de Villequier me mena dans un appartement où les officiers de la bouche m'apportèrent à dîner. L'on trouva très mauvais à la cour que j'eusse bien mangé, tant l'iniquité et la lâcheté des courtisans est extrême. Je ne trouvais pas bon que l'on m'eût fait retourner mes poches, comme on fait aux coupeurs de bourse. M. de Villequier eut ordre de faire cette cérémonie qui n'était pas ordinaire. On n'y trouva qu'une lettre du roi d'Angleterre qui me chargeait de tenter du côté de Rome si l'on ne pourrait pas lui donner quelque assistance d'argent. Ce nom de lettre d'Angleterre se répandit dans la basse-cour. Il fut relevé par un homme de qualité, au nom duquel je me crois obligé de faire grâce à la considération de l'un de ses frères qui est de mes amis. Il crut faire sa cour, de la gloser d'une manière qui fut odieuse. Il sema le bruit que cette lettre était du protecteur. Quelle bassesse! L'on me fit passer sous les 3 heures toute la grande galerie du Louvre, et l'on me fit descendre par le pavillon de Mademoiselle. Je trouvai un carrosse du roi dans lequel M. de Villequier monta avec moi, et 5 ou 6 officiers des gardes du corps. Le carrosse fit 12 ou 15 pas du côté de la ville, mais il tourna tout d'un coup à la porte de la conférence. Il était escorté par M. le maréchal d'Albret à la tête des gendarmes, par M. de Vauguyon à la tête des chevaux légers, et par M. de Vennes, lieutenant-colonel du régiment des gardes, qui commandait 8 compagnies. Comme on voulait gagner la porte Saint-Antoine, Il y en avait deux ou trois autres devant lesquelles il fallait passer. Il y avait à chacune un bataillon des Suisses qui avait les piques baissées vers la ville. Voilà bien des précautions, et des précautions bien inutiles. Rien ne branla dans la ville. La douleur et la consternation y parurent, mais elles n'allèrent pas jusqu'au mouvement. Soit que l'abattement du peuple fût en effet trop grand, soit que ceux qui étaient bien intentionnés pour moi perdissent le courage, ne voyant personne à leur tête. L'on m'en a parlé depuis diversement. Leroux, boucher, mais homme de crédit dans le peuple et de bon sens, m'a dit que toute la boucherie de la place au Vau fut sur le point de prendre les armes, et que si M. de Brissac ne lui dit qu'on me ferait tuer si on me prenait, il lui fait des barricades dans tout ce quartier-là, avec toutes sortes de facilités. L'Épinay m'a confirmé la même chose de la rue Montmartre. Il me semble que M. le marquis de Château-Renaud, qui se donna bien du mouvement ce jour-là pour émouvoir le peuple, m'a dit qu'il n'y avait pas trouvé jour. Et je sais bien que Malclair, qui courut pour le même dessein les ponts de Notre-Dame et de Saint-Michel, qui était fort à moi, y trouva les femmes dans les larmes, mais les hommes dans l'inaction et la frayeur. Personne au monde ne peut juger de ce qui fut arrivé s'il y avait eu une épée tirée. Quand il n'y en a point de tirée dans ces rencontres, tout le monde juge qu'il n'y pouvait rien avoir, et s'il n'y eut point eu de barricade à la prise de M. de Bruxelles, l'on se serait moqué de ceux qui auraient cru qu'elles eussent été seulement possibles. J'arrivai à Vincennes entre 8 et 9 heures du soir, et M. le maréchal d'Albret m'ayant demandé à la descente du carrosse si je n'avais rien à faire savoir au roi, je lui répondis que je croirais manquer au respect que je lui devais si je prenais cette liberté. L'on me mena dans une grande chambre où il n'y avait ni tapisserie ni lit. Celui qu'on y apporta sur les 11 heures était de taffetas de la Chine, étoffe peu propre pour un ameublement d'hiver. Je dormis très bien, ce que l'on ne doit pas attribuer à fermeté, parce que le malheur fait naturellement cet effet en moi. J'ai éprouvé en cette occasion qu'il m'éveille le jour et qu'il m'assoupit la nuit. Ce n'est pas force, et je l'ai connu après que je me suis bien examiné moi-même, parce que j'ai senti que ce sommeil ne vient que de l'abattement où je suis dans les moments où la réflexion que je fais sur ce qui me chagrine n'est pas divertie par les efforts que je fais pour m'en garantir. Je trouve une satisfaction sensible à me développer, pour ainsi parler, moi-même, et à vous rendre compte des mouvements les plus cachés et les plus intérieurs de mon âme. Je fus obligé de me lever le lendemain sans feu, parce qu'il n'y avait point de bois pour en faire, et les 3 exemples que l'on avait mis auprès de moi eurent la bonté de m'assurer que je n'en manquerais pas le lendemain. Celui qui demeura seul à ma garde le prit pour lui, et je fus 15 jours, à Noël, dans une chambre grande comme une église, sans me chauffer. Cet exempt s'appelait Croizat, il était gascon, et il avait été, au moins ce qu'on disait, valet de chambre de M. Servien. Je ne crois pas que l'on pût trouver encore sous le ciel un autre homme fait comme celui-là. Il me vola mon linge, mes habits, mes souliers, et j'étais quelquefois obligé de demeurer dans le lit 8 ou 10 jours, faute d'avoir de quoi m'habiller. Je ne crus pas que l'on me pût faire un traitement pareil, sans un ordre supérieur et sans un dessein formé de me faire mourir de chagrin. Je m'armai contre ce dessein, et je me résolus à ne pas mourir au moins de cette sorte de mort. Je me divertis au commencement à faire la vie de mon exempt, qui, sans exagération, était aussi fripon que la tsarie de Tormes et que le buscon. Je l'accoutumai à ne plus me tourmenter à force de lui faire connaître que je ne me tourmenterais de rien. Je ne lui témoignai jamais aucun chagrin. Je ne me plaignis de quoi que ce soit, et je ne lui laissais pas seulement voir que je m'aperçusse de ce qu'il disait pour me fâcher, quoiqu'il ne proférât pas un mot qui ne fût à cette intention. Il fit travailler un petit jardin de 2 ou 3 toises, qui était dans la cour du donjon, et comme je lui demandais ce qu'il en prétendait faire, il me répondit que son dessein était d'y planter des asperges. Vous remarquerez qu'elles ne viennent qu'au bout de 3 ans. Voilà une de ses plus grandes douceurs. Il y en avait tous les jours 20 de cette force. Je les buvais toutes avec douceur, et cette douceur l'effarouchait parce qu'il disait que je me moquais de lui. Les instances du chapitre et des curés de Paris qui firent pour moi tout ce qui était en leur pouvoir, quoique mon oncle, qui était le plus faible des hommes, et de plus jaloux jusqu'au ridicule, ne les appuya que très mollement, leurs instances, dis-je, obligèrent la cour à s'expliquer des causes de ma prison par la bouche de M. le chancelier, qui, en présence du roi et de la reine, dit à tous ses corps que Sa Majesté ne m'avait fait arrêter que pour mon propre bien et pour m'empêcher d'exécuter ce que l'on avait sujet de croire que j'avais dans l'esprit. M. le chancelier m'a dit depuis mon retour en France que ce fut lui qui fit trouver bon à la reine qu'il donnât ce tour à son discours, sous prétexte d'éluder plus spécieusement la demande que faisait l'Église de Paris encore, ou que l'on me fît mon procès, ou que l'on me rendît la liberté, et il ajouta que son véritable dessein avait été de me servir, en faisant que la cour avoue ainsi mon innocence au moins pour les faits passés. Les amis du cardinal ne restent pas inactifs. Les libelles paraissent, les curés, la Sorbonne se soulèvent. Le prisonnier crie, étudie le latin et le grec, et songe à se sauver. Il est en relation avec ses amis. Le pape insiste pour qu'on lui remette le prisonnier. Les instances du chapitre de Notre-Dame obligèrent la cour à permettre à un de son corps d'être auprès de moi, et l'on choisit pour cet emploi un chanoine de la famille de M. de Bragelonne, qui avait été nourri au collège auprès de moi, et auquel même j'avais donné ma prébende. Il ne trouva pas le secret de se savoir ennuyé, ou plutôt, il s'ennuyait trop dans la prison, quoiqu'il s'y fût enfermé avec joie pour l'amour de moi. Il y tomba dans une profonde mélancolie. Je m'en aperçus, et je fis ce qui était en moi pour l'en faire sortir, mais il ne voulut jamais m'écouter sur cela. La fièvre double tierce le saisit. Il se coupa la gorge avec un rasoir au quatrième accès. L'unique honnêteté que l'on eut pour moi, dans tout le cours de ma prison, fut que l'on ne me dit point le genre de sa mort dans tout le temps que je fus à Vincennes, et je ne l'appris que par M. le premier président de Bellièvre, le jour que l'on me tira du donjon de Vincennes pour me transporter à Nantes. Mais le tragique de cette mort fut commenté par mes amis et ne diminua pas la compassion du peuple à mon égard. Cette compassion ne diminuait point non plus les frayeurs de M. le cardinal. Elles le portèrent jusqu'à prendre la pensée de me transférer à Amiens, à Brest, au Havre de Grâce. J'en fus averti, je fis le malade. L'on envoya Beson pour voir si effectivement je l'étais. L'on m'a parlé différemment de son rapport. Ce qui empêcha ma translation fut la mort de M. l'archevêque qui émut à un point les esprits, que la cour pensa plus à les adoucir qu'à les effaroucher. La manière dont je fus servi en se rencontre a du prodige. Mon oncle mourut à 4 heures du matin, le 21 mars 1654. À 5, on prit possession de l'archevêché en mon nom, avec une procuration de moi en très bonne forme. Et M. le tellier, qui vint à 5 heures et quart dans l'église pour s'y opposer de la part du roi, y eut la satisfaction d'entendre que l'on fulminait mes bulles dans le jubé. Tout ce qui est surprenant émeut les peuples. Cette scène l'était au dernier point, n'ayant rien de plus extraordinaire que l'assemblage de toutes les formalités nécessaires à une action de cette espèce, dans un temps où l'on ne croyait pas qu'il fût possible d'en observer une seule. Les curés s'échauffèrent encore plus qu'à leur ordinaire. Mes amis soufflaient le feu. Les peuples ne voyaient plus leur archevêque. Le nonce, qui croyait avoir été joué doublement par la cour et parlait fort haut et menaçait de censure. Un petit livre fut mis au jour, qui prouvait qu'il fallait fermer les églises. Monsieur le cardinal eut peur, et comme ses peurs allaient toujours à négocier, il négocia. Il n'ignorait pas l'avantage que l'on trouve à négocier avec des gens qui ne sont point informés. Il croyait la moitié du temps que j'étais de ce nombre. Il le crut en celui-là, et il me fut jeté 100 et 100 vues de permutations, d'établissements, de gros clochers, de gouvernements, de retour dans les bonnes grâces du roi, de liaisons solides avec le ministre. Pradel et mon exant ne parlaient du matin au soir que sur ce ton. L'on me donnait bien plus de liberté qu'à l'ordinaire. L'on ne pouvait plus souffrir que je demeurasse dans ma chambre pour peu qu'il fît beau sur le donjon. Je ne faisais pas semblant de faire seulement réflexion sur ces changements, parce qu'ils étaient informés, à n'en pouvoir douter, que quand l'on viendrait à fondre la cloche, l'on ne trouverait rien de solide, et que la cour ne songeait qu'à me faire expliquer sur la possibilité de ma démission, afin de refroidir et le clergé et le peuple. Je suivis ponctuellement l'instruction de mes amis, et au point que M. de Navailles, capitaine des gardes en quartier, m'étant venu trouver de la part du roi, et m'ayant fait un discours très éloigné de ses manières et de son inclination honnête et douce, car le Mazarin l'obligea de me parler en agat des janissaires beaucoup plus qu'en officier d'un roi très chrétien, je le priai de trouver bon que je lui fisse ma réponse par écrit. Je ne me ressouviens pas des paroles, mais je sais bien qu'il marquait un souverain mépris pour les menaces et pour les promesses, et une résolution inviolable de ne point quitter l'archevêché de Paris. Le président de Bellièvre vient offrir aux prisonniers de riches abbayes. Le président se retire avec cette conviction que Jameret ne consentira à renoncer à l'archevêché de Paris. Pradel, qui était bien plus à l'abbé Fouquet qu'au cardinal, et qui savait que l'abbé Fouquet ne voulait en aucune manière ma liberté, lui porta en diligence cette bonne nouvelle, et il reçut, en même temps, la commission de me faire entrevoir, sans affectation, dans les conversations qu'il avait avec moi, l'archevêché de Reims, et des récompenses immenses, afin que lorsqu'on m'en proposerait de moindre, je me tinsse plus ferme, et que ma fermeté aigrit encore davantage le Mazarin. Je m'aperçus de ce jeu avec assez de facilité, en joignant ce que je savais de sûr par M. de Belièvre et mes amis, à ce que j'apprenais de différent par Pradel et par Daventon, qui était mon exempt. Celui-ci, qui était uniquement dépendant de M. de Navailles, son capitaine, qui n'y entendait aucune finesse et qui n'allait qu'au service du roi, ne me grossissait rien. L'autre, dont le but était de m'empêcher d'accepter le parti que l'on me ferait, par l'espérance qu'il me faisait concevoir d'en obtenir de plus considérable, continuait à me jeter des lueurs éclatantes. Je me résolus de répondre par l'art à l'artifice. Je dis à Daventon que je ne concevais pas la manière d'agir de la cour, que quoique je fusse dans les fers, je ne les trouvais pas assez pesants pour souhaiter de les rompre par toutes les voies, qu'enfin, il fallait agir avec sincérité, avec tout le monde, et avec les prisonniers comme avec les autres, qu'on me faisait en même temps des propositions tout opposées, que M. le Premier Président m'offrait cette abbaye, que M. de Pradel me montrait des archevêchés. Daventon, qui dans le vrai ne voulait que le bien de l'affaire, ne manqua pas de rendre compte à son capitaine de mes plaintes, M. le cardinal Mazarin, qui avait pris une frayeur mortelle des curés et des confesseurs de Paris, et qui par cette considération brûlée d'impatience de finir, en fut outré comme Pradel. Il l'engourmanda au dernier point, il soupçonna le vrai, qui était qu'il agissait par les ordres de l'abbé Fouquet, et le chagrin qu'il eut de voir qu'il trouvait dans les siens même des obstacles à sa volonté, contribua beaucoup à ce que M. de Belièvre me dit dès le lendemain à le faire conclure à ce que je donnasse ma démission datée du donjon de Vincennes, que le roi me pourvût des sept abbayes que je vous ai nommées et que je fusse remis entre les mains de M. le maréchal de la Meilleraie pour être gardé par lui dans le château de Nantes et pour être mis en liberté aussitôt qu'il aurait plu à sa sainteté d'accepter ma démission, que, quoi qu'il pût arriver de cette démission, je ne pourrais jamais être remis entre les mains de Sa Majesté qu'après que M. le Premier Président de Belièvre aurait écrit de sa main à M. le Maréchal de Meilleraie qu'il l'agréait, et que pour la plus grande sûreté de cette dernière clause, le roi signerait de sa main un papier par lequel il permettrait à M. le Maréchal de la Meilleraie de donner cette promesse par écrit à M. le Premier Président de Belièvre. Tout cela fut exécuté, et le lundi saint, l'un et l'autre me vinrent prendre à Vincennes. Ils me menèrent ensemble dans un carrosse du roi jusqu'au port à Langlois. Comme le maréchal était tout estropié de la goutte, il ne put monter jusqu'à ma chambre, ce qui donna le temps à M. de Belièvre, qui m'y vint prendre, de me dire, en descendant les degrés, que je me gardasse bien de donner une parole que l'on m'allait demander. Le maréchal, que je trouvais au bas de l'escalier, me la demanda effectivement. C'était de ne me point sauver. Je lui répondis que les prisonniers de guerre donnaient des paroles, mais que je n'avais jamais ouï dire qu'on exigeât des prisonniers d'État. Le maréchal se mit en colère et me dit nettement qu'il ne se chargerait donc pas de ma personne. M. de Belièvre, qui n'avait pu, devant mon exempt, devant Pradel et devant mes gardes, s'expliquer avec moi en détail, prit la parole et me dit « Vous ne vous entendez pas. Monsieur le cardinal ne refuse pas de vous donner sa parole, si vous voulez vous y fier absolument, et ne lui donnez auprès de lui aucun garde. Mais si vous le gardez, monsieur, à quoi vous servirait cette parole, car tout homme que l'on garde en est quitte. » Le premier président jouait à coup sûr, car il savait que la reine avait fait promettre au maréchal qu'il me ferait toujours garder à vue. Il regarda M. de Belièvre et il lui dit « Vous savez si je puis faire ce que vous me proposez. Allons, » continua-t-il en se tournant vers moi, « il faut donc que je vous garde, mais ce sera d'une manière de laquelle vous ne vous plaindrez jamais. »